fais des compositions originales en français, braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant lefrancouverte.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique présenté par TD vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre. Pour cette 34e édition spéciale, découvrez gratuitement 8 concerts en ligne. Des concerts diffusés en live sur notre page Facebook. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h. Restez connectés. Chaque semaine, on vous dévoilera la programmation en ligne. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. Centraide.uqam.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast à coquins et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. What's up les moon? Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Jess PVM et toujours concierge, bipolaire, ça, ces choses-là changeront jamais. Et j'espère pas être concierge un jour, ça ferait bien mon affaire, mais là je me retrouve avec tout un problème. Je magasine beaucoup de linge ces temps-ci parce que vu que j'ai pris de la rondeur, il n'y a plus rien qui me fait. Puis Chris, partout dans les magasins où je vais, c'est section homme, section femme, section homme, section femme. Fait que là, moi, my non-binary ass, là, faut que je me mette au nudisme, il n'y a pas de linge pour moi, nulle part. Listen, quand il faut que tu sois tout nu, il faut que tu sois tout nu. Ça va coûter plus cher de chauffage en hiver, mais ça va coûter moins cher le linge. Fait que, guys, j'ai besoin d'un petit GoFundMe pour financer toutes ces tickets d'atteinte aux mœurs que je vais recevoir. Toujours dans l'ordre du rose, moi, c'est Charlie Morin, puis je viens de déménager, puis dans mon nouvel appartement, il y a un coin lecture. Ce que je veux dire par coin lecture, c'est que c'est juste un fauteuil sur lequel, si tu t'assois, I'm gonna read you the filth, bitch. Fait qu'avouerais ce que c'est péril. Pendant 2 secondes, je pensais que tu savais lire. Non, ça c'est toujours un work in progress, là, mais... Ok, j'ai eu peur. I cannot read a book, but I can read a bitch. Fait que ça va mal, hein, moi je... Laisse-tu l'enfer, cette zone rouge-là, sacrement. Moi, ça file plus. Il n'y a rien qui se passe dans ma zone rouge, fait que je... Non, c'est ça. Je pleure des larmes de sperme, si j'en suis trop plein. C'est aride, mais ouais. Fait qu'à part de ça... Aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, on se regarde dans le blanc des yeux à la lueur d'une chandelle pour se parler en tête-à-tête de dating, juste pour, tu sais... Tourner le fer dans la... Juste pour se sentir encore plus seul. On profite de ce rendez-vous galant pour discuter de l'évolution de la culture du dating et de comment ça peut nous affecter, nous autres, les queerdos. On patine sur quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, parce que vous nous connaissez, we're those girls. Et finalement, on se questionne à savoir si c'est plus facile de dater d'autres queers ou si c'est plus compliqué entre nous autres. Fait que on s'en va chercher un petit café juste pour comme se redonner un second élan de vie. Et on vous revient pour vous caféiner. On essaie-tu de se commander un café juste avec des phrases de Grindr, genre « Hey, you ho ». Moi, je suis sûr d'avoir marché. Je suis convaincu qu'ils vont comprendre. Alors, ça n'a pas marché pendant toute l'histoire du café avec les phrases de Grindr. Ça avait pas mal plus l'air d'un début de harassment, fait qu'on a juste arrêté. On a juste laissé faire. On s'est dit non. C'était... On s'est dit « On fait pas ça ». Non. Les pauvres baristas sont pas payés assez cher pour nous endurer. Si boire. Alors, on s'entend qu'il n'y a pas 10-15 ans de tout ça, ça paraissait un peu... 15 ans, il n'y avait peut-être pas Internet tant que ça, mais là, 10 ans environ, ça paraissait pas nécessairement bien rencontrer quelqu'un sur Internet. C'était un petit peu mal vu. Tout le monde pensait que c'était dangereux. Maintenant, c'est pratique plus que courant que de se rencontrer sur Internet. Pour nous, les queers, c'est quand même un gros plus, je pense. Parce que, à part des bars, les clubs et les amis d'amis, les opportunités sont pas nécessairement omniprésentes, comme pour les straight. Hey, les straight, ils peuvent se carrer n'importe où, esti. Et n'importe quand. Bureau, n'importe quand. Moi, je suis juste comme sacrement. OK, les filles. Must be fun. Ben, ça n'a pas l'air, en fait, pour être ben honnête. Non. J'ai dit ça, mais je le pensais à zéro, là. Comme on date plus que jamais, je me demandais comment ça qu'on n'est pas en couple plus que jamais? Right, hein? Parce que le dating n'a jamais été autant accessible, puis ça n'a jamais été quelque chose que les gens faisaient de manière aussi casual. Il semble que tout le monde devrait être matché. Oui, c'est ça. Comment ça se fait qu'on trouve? Ben, je pense que... Il y a tellement de facteurs qui viennent avec ça, juste parce que le monde dans lequel on vit, même si on a accès à plus de choses, fonctionne de manière vraiment différente. C'est vrai. Que ces applications-là seraient arrivées dans les années 60, où genre ta vie commençait quand tu te mariais, puis que tu avais des enfants, puis qu'il n'y avait pas nécessairement d'autres projets. Ouais. Ce serait extrêmement différent que là, maintenant, où tout le monde est... C'est parce qu'il y a comme une tension entre tout le monde et comme plus... indépendant, puis a ses projets, a ses affaires, mais aussi un truc de comme, parce qu'on vit dans un monde néolibéral, on est aussi vraiment plus individualisé, oui. On a moins de communauté, on oui. est plus seul aussi. Fait que je trouve que ces deux éléments-là contribuent pour le meilleur et pour le pire à ce que on soit plus dans un truc old school de comme se mettre en couple au plus crisp parce que ça, c'est inconcevable de rester seul dans la vie, tu sais. En effet, puis tu sais, on en a parlé dans notre épisode sur les différentes configurations amoureuses, il y a quand même une fixation du couple qui reste et qui continue d'exister, mais justement, on l'a dit, on date plus que jamais, est-ce que c'est pas, moi dans ma tête, c'est comme, il y a tellement d'opportunités de dater, que là, avant de se mettre en couple, à cette heure, t'es comme, oh ben là, j'ai tellement de choix. En tout cas, dans le monde hétérosexuel, ça doit être ça. Dans le monde gay, c'est une autre histoire. Dans le monde queer, dans le monde trans, c'est vraiment d'autres histoires. Mais je me demande si justement, parce que c'est pas tellement possible de dater, parce qu'on a tellement accès à plus de monde avec Internet, est-ce que ça donne pas une espèce de ralentissement, puis le monde ne sont pas comme, oh ben là, pourquoi me contenter d'un restaurant quand je peux avoir un buffet? Mais je pense que, comme, oui, mais aussi, il y a un truc où, genre, parce que tu peux... passer à la personne suivante, c'est plus facile aussi de chercher des bibittes, pas t'engager quand ça devient difficile, être flaky, ouais. Tu sais. Oui. Puis dater, c'est fucking énergivore, ça demande du temps. On va y revenir plus tard, mais genre, ouais. DM, là, genre... Mais tu penses-tu que... Ça a cliqué quelque chose que t'as dit. Tu penses-tu que justement, les gens sont comme plus demandants maintenant, genre, dans leur standard? Je sais pas si les gens sont plus demandants, mais je pense que les... comment je peux dire ça? On est moins homogène comme société, tu sais, il y a plus tu sais, tu peux rencontrer aussi des gens qui viennent complètement d'ailleurs dans tes cercles sociaux, ouais. Des gens qui, tu sais, fait qu'à un moment donné, avec des rencontres avec des personnes aussi différentes que ça, comment tu te matches, comment tu crées une vraie, moi c'est ça, l'affaire c'est que d'été, c'est l'art de se révéler pas trop vite, mais pas trop lentement non plus, puis que ça fasse juste ouais. comme faire du sens. Parce que, tu sais, comme, moi, les gens qui ressentent des connexions dès une first date, good for them, je suis content, c'est le fun. Moi, c'est pas ouais. le genre de choses qui arrivent tant souvent que ça, puis je trouve que c'est mettre beaucoup de pression sur une first date, de vouloir ressentir une connexion. Ouais. Mais à un moment donné aussi, quand est-ce que t'arrêtes de persister? Parce que peut-être que dans le fond, tu sais, les papillons, l'étincelle, la passion, tu l'auras jamais, mais que c'est une personne vraiment nice, puis que ça vaudrait la peine que tu la gardes dans ta vie. Fait que comment tu gages ça en termes de dating? Moi, je trouve ça infiniment complexe. Puis c'est pour ça que quand la COVID, ça se termine, là, dites-moi le pas, gardez-moi confiné, j'haïs ça d'été anyways, j'en veux pas de calice de date. Parce que là, on s'entend que on l'a pas défini, mais tu sais, on dit date as rencontrer quelqu'un dans un but X et non pas juste random hookup. Mais moi, dans ma tête, dating, il y a quand même une connotation romantique assez forte. Ouais, c'est ça. Il y a comme une espèce de derrière-pensée de on apprend à se connaître, on s'examine un petit peu, oui, etc. C'est etc. Ça. Fait qu'au moins, bon, OK, juste pour nous mettre dans le contexte, là, c'est ça. On parle pas nécessairement de... C'est correct, là, le random hookup. C'est juste pas le sujet d'aujourd'hui. mais je pense qu'il y a aussi un truc où qui fait qu'on est moins en couple, puis c'est que les amitiés prennent une place de plus en plus prépondérante dans la oui, vie des gens aussi. C'est vrai. Puis les gens ont des réseaux solides, tu sais. Puis je pense à comme... je pense à... des époques ou même des lieux géographiques où c'est encore de même, où les gens se mettent en couple super rapidement, tu sais, genre, je sais pas, là, en région, ça fait des bébés en tabarnak, là, les straight, là, tu sais. Puis, je veux dire, ils se mettent en couple super rapidement parce que c'est juste comme ça que ça fonctionne. Mais, tu sais, mettons, en ville, quand t'es queer, t'as des amis, une communauté, souvent des projets, puis c'est pas un truc obvious de comme, ben là, il faut que je me mette en couple puis que j'aie comme une hypothèque derrière, un kid, des chiens, tu sais, genre, ça... J'aime ça que c'est un kit des chiens, pas des kits d'un chien. Un choix stratégique. You know, choix stratégique. Ça va coûter moins cher d'université plus tard. C'est bon, ça. Oh, gars. C'est ça. Mais c'est ça. Mais, tu sais, ça nous amène un peu sur le fait que la façon, je pense, de concevoir l'amour et les relations ont changé. Là, ça, c'est très clair. Ah, là, attends, mais quand t'es queer, c'est ça l'affaire, là. Ça, faut pas juste que tu trouves ton match, là. Faut que tu trouves ton match pis qu'il veuille le même type de relation qui fonctionne ou comme, tu sais, genre, c'est ça, là. Les possibilités de configuration sont vraiment plus nombreuses et donc les possibilités d'être déçu ou être en désaccord sont aussi vraiment plus nombreuses. Ouais, pis les possibilités de communiquer à propos de ces affaires-là aussi, parce qu'on en a parlé un peu dans l'épisode Polyamoun, là, mais tu sais, c'est pas juste la configuration relationnelle, mais c'est aussi trouver un moyen de le faire fonctionner pis de communiquer comme du monde avec ça, là. Exact. Genre, moi, les estis de polyamoureux fucking cartésiens qui font juste tout le temps parler de leurs relations, puis de leurs autres relations, puis de leur configuration, puis de comment ça fonctionne, puis si tout le monde est à l'aise, je suis comme, on peut-tu regarder un film? Ouais. On peut-tu chiller? On peut-tu passer du temps de qualité? Genre, tu sais, comme, il y a plein d'affaires qui fonctionnent. Mais non, mais il y a des gens pour qui ça fonctionne pour eux autres, puis je suis content pour eux, pas pour moi. Tu sais, comme, il y a juste chacun ses manières. Fait que là, si en plus, il faut que ça fitte dans la configuration relationnelle, puis que ça fitte dans la communication, puis que ça fitte dans... Je suis comme, c'est tellement de critères, tabarnak. Tu connais la toune toute seule de Laurie? Moi, je peux rester toute seule, toute seule. C'est ça, that's me. Oui. C'est une toune que je me fais le devoir de ne pas écouter au moins une fois par jour. Ouais, parfait. Oui. fait que là, on l'a dit, les relations ont quand même pas mal changé, puis je trouve que on va en parler avec le pacing, le rythme du dating tantôt, mais ça fait en sorte aussi que, tu l'as dit, tu sais, on se marie plus pour les 50 prochaines années, on vit plus avec notre famille dans un bloc appartement avec la tante, l'oncle, les enfants, les cousins, les cousines. On a des amis, nos réseaux ont beaucoup changé, le monde ne tourne plus autour des familles nucléaires. Fait que j'ai un peu l'impression que l'augmentation ou en tout cas la complexification de nos réseaux fait en sorte qu'on a plus besoin de dater parce que justement, on rencontre moins les gens juste par hasard, genre « Ah, oh, j'ai rencontré quelqu'un à job, on va se faire une petite date. » C'est vraiment, on date des parfaits, parfaites étrangers, étrangères. Mais je pense que ça se faisait aussi back in the days, mais que c'était vraiment plus... Tu sais, le concept d'étranger, étrangère était différent. C'était plus comme ami d'amis, une collègue de bureau qui est comme « j'ai un ami qui est célibataire » ou « c'est là, tu montes des photos peut-être un peu, puis après ça, tu y vas, tu sais. » Mais effectivement, là, attends, là, tu peux dater 5 étrangers dans la même semaine, si tu veux, c'était pas accessible avant, là. Non, effectivement. Puis là, ben, tu te retrouves dans une... je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que le dating, ça te met dans une position où tu... À chaque personne que tu dates, tu réévalues tes standards, ce que tu voulais, ce que tu cherchais. Là, tu tombes dans une espèce de perpétuelle réflexion intérieure sur qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon bonheur. Mais est-ce que tu as... OK, moi, j'ai... comment tu communiques ça aussi dans les premières dates? Parce que là, tu sais, les objectifs et les configurations relationnelles ont changé, mais comme à quel point il faut que tu sois clair rapidement sur tes wants and needs dans une date? À quel point il faut que tu saches avant d'arriver sur une date? Genre, tu sais, puis genre, quand est-ce que c'est rendu correct d'en parler? Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de... Un espèce de « don't ask, don't tell » au début de genre « ouh, on est là pour des intentions vagues, puis là, à un moment donné, genre, quand ça feel right, là, on peut peut-être en parler, puis là, t'as le droit de faire comme « oh my God, c'est trop tôt, puis ça me fait pas... » Tu sais, je suis juste quand... Tu sais que c'est compliqué, ces affaires-là. Ouais, le rythme est compliqué. Puis là, t'es comme passé 3 dates, il y a comme une règle non écrite comme quoi ça devient sérieux, puis il faut se poser des questions pour avoir une conversation, puis... Ouh, didn't know that! Ouais, j'ai dit 3 dates, mais tu sais, comme après une couple de dates, là, les gens autour de toi sont comme « pis, ben là, ça fait une couple de fois, vous vous voyez, avez-vous jasé? » Hey, puis on peut tout seul dire que dater en temps de pandémie, c'est plate en tabarnak, là. Oui, puis tu sais, comme on en a parlé un peu dans... On en a parlé un peu dans l'épisode du placard, mais tu sais, le pacing de justement des rencontres, qu'est-ce que tu dis quand tu le dis, c'est quand le moment de s'ouvrir, blablabla, ça change pour certaines personnes. Tu sais, moi, j'en avais parlé, puis comme dès le début, souvent, il faut que je dise que je suis sub, bipolaire, par way down, parce que sinon, on se comprendra pas. Puis tu sais, des fois, ben, c'est un peu lourd. Sur une première date, là, hey, let's bond over trauma, like the good millennials that we are. Là. Mais c'est ça l'affaire. Mais c'est parce que c'est là que tu testes la réceptivité des gens aussi, parce que les gens qui sont capables de faire comme OK, prendre ça comme une information, puis pas te demander sur comme ton origin story, comment c'est arrivé. parce que ça, je comprends que les gens veulent s'intéresser, mais ça doit être lourd en crise, là. T'es juste comme, hey, ça, c'est des années bank dark, là. Je pense pas qu'on va aller là tout de suite. j'ai bien aimé ça, le origin story. Mais non, mais tu sais. Sortez-moi un prequel de ma vie, quelqu'un! Yes! Jess PVM, le commencement et on espère la fin. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est plate en tabarnak d'été en pandémie, parce que je trouve qu'il y a un truc de comme à un moment donné, après une couple de dates, quand tu sais que tu t'entends bien avec la personne, tu peux faire d'autres choses que juste t'asseoir puis jaser. Tu peux aussi faire des activités, au pire, rencontrer un peu les amis et tout. En temps de pandémie, c'est pas possible. Là. Si tu trouves quelqu'un que tu dates qui a le même niveau de prise de risque slash confort avec s'exposer à des risques, puis que ça fonctionne, mais même à ça, là, à part chiller chez vous, là, qu'est-ce que vous voulez faire, Esti? Une zone rouge, là. Même ça, genre, c'est stressant parce que où t'es-tu supposé? C'est-tu la seule personne qui vient chez vous? T'habites-tu seul? C'est-tu correct? Ferme les rideaux que personne voit. Tu sais, genre, fuck that shit, là. Ça a jamais été le pire temps pour dater, puis dater, ça a tout le temps été de la merde, là. Ça a jamais été... Il n'y a jamais eu de bon moment pour dater, là. Non. On va y revenir dans les do's and don'ts, là, mais vous allez voir qu'on a vraiment choisi un sujet dont je ne suis pas l'experte. Mais, vous êtes un célibataire qui vous parle de, genre, trouver des connexions romantiques, là, genre, we here. OK. Mais, c'est drôle aussi parce que tout le monde a comme... tout le monde. Je pense pas que c'est vrai que tout le monde veut trouver l'amour, mais je pense que tout le monde cherche une validation ou une connexion romantique en général. Tu sais, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais il y a personne qui veut trouver quelqu'un qui veut trop, qui cherche trop ça. Même si c'est que toi, tu cherches ça. Fait que, tu sais, tout le monde... Fait que là, il y a comme une pression à être chill. Ce que je comprends, parce que moi aussi, les gens qui sont absolument pas chill, tu sais, je trouve ça un peu rushant, tu sais. Mais en même temps, c'est weird, cette loi non écrite-là, de tu peux jamais être si direct que ça. Oui, et ce qui fait en sorte que je suis unable to date, là, je veux dire... Moi, je suis probablement la personne la plus straightforward au monde, donc je sais que pour moi, ça pose un problème, parce qu'effectivement, dans les dates, souvent, c'est tout un jeu de subtilité, il y a des codes. Puis en tout cas, on le dit et redit, mais tu sais, il y a tout un « qu'est-ce que tu dis quand tu le dis? » Ça fait que ça, c'est assez compliqué. Surtout avec les dudes aussi, tu sais, si les gens que tu dis, c'est plus des dudes, tu sais, comme tu peux attendre là, une once d'émotion, tu leur as fait genre gone, kilometers away, genre a changé d'identité, s'est fait de la chirurgie plastique faciale pour que tu leur connaisses jamais, t'as bloqué sur toutes les apps, c'est fini. Ouais. On en a parlé un peu plus tôt, mais dater, c'est demandant. Ça prend de l'énergie pour dater. Pourquoi c'est si demandant? Moi, la première affaire que je mettrais en highlight, là, c'est que c'est souvent une sortie qui demande du temps, ce que c'est pas tout le monde qui a, mais demande souvent de l'argent. Cinéma, ben là, pas en ce moment, en pandémie, là, parce que... Ouais, mais moi, toi, genre, première date, là, c'est pas vrai que je dépense 40-50$. C'est pas vrai qu'on s'en va dans un bar. On s'en va acheter de la bière au DEP, puis si c'est l'été, même en temps de pas pandémie, là, on s'en va s'asseoir le cul dans un parc, puis au pire, ça m'aura coûté 12$. Puis si c'est, genre, s'il fait trop frais, pas vrai, chez moi, I don't care. Puis si ça sonne trop comme un booty call ou genre whatever, puis que t'aimes mieux pas, je suis comme, pour vrai, j'ai pas envie de dépenser d'argent. Non, mais souvent, ça semble être un prérequis. Genre, moi, quand je parle au monde sur Grindr, là, ils ont tout. Une idée de café, une idée de bar, une idée de resto, une idée de ci. Ce qui peut devenir compliqué pour des gens qui n'ont pas une crise de scène. Mais OK, mais je comprends en même temps, tu sais, moi, il y a une de mes amies qui était comme elle date majoritairement des gars qui étaient comme, mais tu sais, quand t'es dans un bar puis qu'on t'amène un drink puis que tu bois un drink, quand ils reviennent puis qu'ils te disent t'en veux-tu un deuxième, là, c'est une porte de sortie pour faire comme, ben, actually, non, j'en ai eu assez, tu sais. Puis je comprends que ça peut. Tu sais, oui, ça coûte de l'argent, mais en même temps, cette sécurité-là de pouvoir donner un signe que non, tandis que quand t'es déjà rendu chez la personne ou que t'es au parc, vous êtes juste venus les deux pour être ensemble au parc, c'est comme weird de partir tôt. C'est compliqué d'avoir une conclusion. Je comprends l'idée. Au besoin. C'est juste que c'est vrai que, genre, tu sais, tu le vois, là, les espèces de micro-brasseries, là, ben millennial, épurées, avec, genre, un mobilier moderne, des petites lumières tamisées, puis c'est juste des couples qui se connaissent pas, qui sont là sur Tinder, qui ont des dates malaisantes. Oh my God, non, j'imagine la scène, là, puis je suis déjà... Oui, c'est ça. Je suis parti, tout ce que t'as eu. J'ai soufflé la chandelle, puis j'ai décolleté. Mais je trouve que partir à neuf avec des nouvelles personnes, c'est pas facile, parce que le stade introductif est long à dépasser. Oh, en fait. Girl! T'sais, moi, j'ai plein d'amis avec qui j'ai du vécu, qui me connaissent comme le fond de ma poche, à qui j'ai pas besoin de contextualiser puis d'expliquer tout. Puis... avant de passer du stade d'introduction à quelque chose de plus deep, c'est un passage obligé, mais je trouve que c'est une période qui est chiante parce que, genre, j'ai 28 ans, là, j'ai plus à m'expliquer tout le temps puis à m'introduire. Tu sais, comme j'ai des bons réseaux, là, oui. Ça, c'est correct, mais c'est parce que c'est un truc d'essai-erreur aussi, puis genre, tu trouves, je veux dire, faut que tu dates pas mal avant de comme rencontrer quelqu'un avec qui c'est quelque chose. Fait que tu sais, comme à chaque fois, I get bored. Ben, merci, merci, c'est exactement ça. I get bored so quickly, je m'emmerde tellement rapidement. Justement, parce que souvent dans le dating, les gens se retiennent d'être directs. Puis moi, en tout cas, mais je sais aussi, pas pour vous autres, moi, je cherche du monde avec un backbone puis une grosse énergie, là, fait que... Mais aussi, il y a un truc de comme, c'est pas juste... Parce que c'est comment tu parles de toi-même, en fait. Fait que faut que tu juges à travers comment la perception que la personne a d'elle-même, si vous pouvez connecter. Mais en même temps, tu sais, peut-être que des fois, il y a des choses que la personne voit pas en elle, que tu vas voir, qui vont être nice ou qui vont être terribles. Mais faut que tu te fies à une perception. Puis après ça, que tu décides si tu veux continuer, si ça marche, que tu feels les énergies que tu as. Maintenant que c'est de l'ouvrage calice, là. Moi, je veux juste aller à Are You The One, puis que, genre, les matchmakers déterminent un match parfait pour moi, que j'en sorte de là avec probablement 25 000 piastres, puis que, genre, je sois all set, là. Alors, c'était notre invité Charles d'Occupation Double. Ah, non, mais Are You The One, c'est autre chose. Oui, je sais, mais, je sais c'est quoi Are You The One. Les autres, allez googler. Whatever. Il y a une saison avec juste des bisexuels. C'est Ouh, oui, oui, oui, on m'a parlé de ça. Fait que, sur cet espoir d'une télé-réalité un peu queer, on va aller chercher un café. Qu'on va aller boire sur ta chaise de lecture, ça te tente-tu? Ah ouais, I'm gonna read you the filth, bitch. Excellent. Alors, on vous revient une fois que Charlie a détruit toute l'estime personnelle que j'avais. Oh! Fait qu'après avoir read to filth, ma grande chum Jess, je l'ai aussi ramassée à la petite cuillère. Ouais. Parce que je suis là pour ça. Puis maintenant, elle est recomposée, elle a séché ses pleurs. Et nous sommes overcaféinés et prêts à reprendre l'émission. 175 pièces de psychiatre d'un vidange. D'un vidange! Asti. Bon, là, j'y retourne. Quand vient le temps de choisir une date, les applications nous donnent accès à des gens qui viennent de plein de réseaux différents, puis pas nécessairement de nos cercles à nous. C'est vrai. Fait que comment on cerne si ces personnes-là partagent les mêmes valeurs ou les mêmes politiques que nous autres sans que ça ait le potentiel de devenir trop lourd? Ben... C'est sûr que ça dépend de sur quelle plateforme on parle. T'sais. C'est sûr que sur Grindr, tu peux quand même envoyer des signes comme quoi t'es queer, comme quoi nanana. Il y a beaucoup de gens qui vont l'écrire dans leur profil, des masques for masks, j'en veux pas. Ouais. Et de notre côté aussi, quand on voit quelqu'un qui écrit masque for mask, on n'en veut pas. Flag, c'est ça. Fait que sur Internet, si les gens sont honnêtes et qu'on se donne la peine de lire les profils, ça peut être un petit peu plus facile. Souvent, les gens vont le dire ou à tout le moins, ça va se régler assez rapidement. Toutefois, je pense qu'il y a bien des gens qui vont se reconnaître si je dis que même sur Grindr, quelqu'un qui est un petit peu plus efféminé ou quelqu'un qui est plus femme presenting, whatever, je pense qu'on l'a tout fait, genre réagir vraiment queerly à une interaction sur Grindr et faire « Oh fuck, j'espère qu'il va pas penser que je suis une petite tapette. » Genre, ouais, internalize homophobia, femphobia, all of this. T'as comme répondu « Yo girl, I know », puis là t'es comme « Oh shit, il va savoir que je suis queenish. » Ouais, mais tu sais, pas juste ça aussi, je pense qu'il y a... C'est pas parce que quelqu'un aussi... a l'air d'avoir des pas pires politiques nécessairement en tout point ou que, genre, tu sais, il peut y avoir des trucs qui accrochent quand même. Oui. Puis oui. Moi, ma technique, c'est de. Moi, je pile pas sous des œufs. J'ai les takes que j'ai, puis j'aime mieux, moi, lancer des ballons d'essai. Oui. Puis voir comment la personne va réagir que la personne dise des affaires que je trouve absolument de la merde. Ouais, puis ta rencontre, tu le t'as. Ouais, mais moi, l'affaire, c'est que je confronte pas, tu sais, parce que c'est une date, pis c'est plate, ça devient un débat. Mais, tu sais, souvent, je vais faire comme, j'aurais pas dit ça de même, ou genre, moi, je suis pas d'accord. Tu sais, comme, juste lancer des petits hints, mais genre, tu sais, ça fait des dates lourdes, pis c'est ça. J'aime mieux me retrouver dans une situation où la personne se sent trop mal de confronter mes politiques que moi, me sentir pas tant mal que ça de confronter les siennes. Mais, tu sais, je présente pas une version édulcorée. C'est un beau mot, ça. Édulcoré de... moi, ça, je trouve que ça sert à rien parce que, je veux dire, les épisodes de 2 Fifs le matin sont disponibles sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. They know what I'm about. They're gonna find out. J'allais dire, moi, ma solution pour être sûr de matcher avec du bon monde, c'est qu'on s'est parti un podcast, on est devenu des gay icons. Everybody know where we stand. Ils ont du contenu en masse là, savoir, pour savoir ce qu'on pense. Là. Je sais pas pour toi, mais moi, je sais pas combien de fois je me suis fait dire « Ah, c'est comme si je te connaissais déjà. » Ah, moi, pas encore, mais moi, je le sais dans ma tête. Dans ma tête, je suis comme, ah, t'as accès à tellement plus de contenu sur moi que moi, j'en ai accès sur toi. C'est injuste. C'est... Fait que là, tout le monde devrait... Maintenant, notre prérequis pour nous dater, faut que vous ayez un podcast. Non, soumettez-en un. Faites-nous-en un maison. Oui. Genre, pas besoin d'être diffusé nulle part ailleurs que pour nous, mais il faut qu'on ait du contenu, Exactement. mais c'est ça. Mais je trouve ça lourd, par contre, parce que moi, l'affaire avec dater des gens qui sont genre politically woke ou whatever, c'est que je trouve ça lourd quand une date se transforme en TED Talk de politique radicale. Ah, je de, sais. Comme, qui sait qui va rajouter un layer de complexité auquel on n'avait pas pensé, que là, ça va être encore plus smart, puis une bonne take, puis blablabla. Puis je suis juste comme, moi, je vais pas sur des dates pour, genre, me crosser intellectuellement, là. Genre, on peut juste connecter puis avoir du fun. Ouais. Puis genre, all right, girl, genre, you're anti-racist, you support trans folks, you do this, you do... Genre, great, mais on peut juste aussi se lancer des hints puis pas rentrer dans une over-performance. Oui, ça, oui, genre... oui, oui, oui. Ça serait vraiment le fun que notre date, ce soit pas un almanach de toutes les mimes de gauche qu'on a lues cette semaine. Là. Ça serait vraiment... Non, c'est ça, là. Ouais, genre, ouais, ouais. On essaie juste de voir si on est sur la même longueur d'onde. Là. C'est pas l'Institut Simone de Beauvoir. Là, mais c'est juste que, là. Comme gauchiste, il y a tellement de personnes qui nous écoutent. On aime assez ça, s'entendre parler, calice. Je sais, je sais... Puis, c'est souvent un sujet de bonding facile. Mais, encore là, je préfère l'astrologie. Mais c'est ça. Mais moi, je veux juste pas que ça devienne un truc de comme, là, il faut qu'on se prouve qu'on est donc des pis radical. Tu sais, je suis juste comme, moi, je truste les gens. Tu sais, moi, je truste que jusqu'à preuve du contraire, ça va. Tu sais de quoi tu parles. T'as pas, tu sais, genre... Puis, aussi, il faut se connaître un peu. Tu sais, tantôt, tu disais, j'aime mieux, moi, enlever les ballons, envoyer les ballons d'essai. Tu sais, moi aussi, je sais que je suis crissement radical. Je suis une grand gueule. Puis, genre, s'il y a quelque chose qui se passe, j'y enverrai pas dire. Fait que souvent, c'est ça, je fais tout de suite les premiers pas parce que je suis comme, OK, I know myself, là, je veux savoir tout de suite où est-ce qu'on s'en va parce que sinon, ça va chier. En règle générale, trouves-tu ça plus facile de dater des queer ou des gens qui ont déjà des affinités queer ou plutôt des gens qui n'ont pas d'a priori négatif mais qui n'ont jamais vraiment été exposés à des milieux queer ou du langage queer? Quand tu dis queer, tu veux dire genre pas gay cis... Oui, non, c'est ça, définitivement. Out of this world, là, OK. Genre queer politique, là, pas queer mot valise pour réunir tout le monde. Ça dépend quel queer. Tu sais, comme tu viens de dire, c'est le fun de savoir qu'on a des opinions politiques qui sont semblables. Je pense que c'est quand même assez nécessaire parce que sinon, ça va chier rapidement. L'envers de la médaille, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que ça peut virer, hein, on ne fait que parler de queerness. Puis surtout, je sais pas pour toi, là, mais surtout que vu qu'on a un podcast, les gens sentent qu'on est comme dans une discussion perpétuelle puis qu'on n'arrêtera jamais de podcaster même si on n'est plus sur l'émission. Là. Je sais, mais comme je comprends que le privé est politique, là, mais à un moment donné, donne-moi un hostie break. Là. On peut-tu genre pas comme mettre des fancy terms sur tout aussi puis juste vibrer des fois. Là. Mais c'est utile aussi des fois d'utiliser du langage anti-oppressif pour comme parler de dynamique privée. Ben oui. Mais genre aussi, let's fucking chill. Puis l'autre affaire, c'est encore une médaille à deux côtés, c'est que, comment je dirais ça, d'un côté, je suis toujours surpris de voir à quel point on peut toujours rencontrer des nouveaux puis des nouvelles queer, qu'on peut toujours rencontrer des nouvelles personnes. De l'autre côté, j'ai l'impression que j'ai couché avec toutes les personnes que je pouvais coucher déjà. Oh my God, same girl, là. Va falloir que je devienne un daddy puis que je me mette à, genre, me pick up des baby queer au glitter bum qui ont, genre, 20 ans du glitter ses yeux puis qui sont comme, oh my God, the Vanger boy is such a throwback. Never heard that. I wasn't born, genre. Oui, c'est ça, j'allais dire. Tu viens de donner ton âge parce que je pense que les Venga Boys, ils savent même pas c'est quoi. When, ben, c'est ça, c'est ça. Eux autres, le seul groupe qu'ils ont eu, c'est les Venga Non-Binary, fait que... Ouh! Mais on dirait qu'avec des queers que tu connais un peu, mais pas tant, pour moi, la discussion peut rapidement juste virer à genre, ah, qui vous connaissez en commun, qu'est-ce que tu penses de quel événement, genre du gossip de communauté, puis aussi, comme on disait, l'espèce de test de radicalité. Puis à un moment donné, je trouve que ça revient tout le temps au même. Il y a ça, moi, le justement, tu disais, tu sais, on se connaît tout un petit peu, tu sais, surtout là en ce moment, nous autres, on connecte avec plein de monde grâce au podcast, on a la chance, c'est extraordinaire de parler avec un paquet d'artistes, de networker comme ça, pas de bon sens. Mais toi, t'es quand même assez straightforward. Moi, je sais que j'ai l'impression que quand je connais déjà un peu la personne, toute option de dating devient comme obsolète. Aurait fallu commencer par dater, puis après ça, voir. Ah, mais ça, genre, on est... C'est la cis gay man culture qui nous pourrit la vie. Ouais. De juste comme... Tu sais comment que ça fonctionne de genre... soit il faut que tu fourres avec dans les trois premières interactions que t'as avec, soit c'est genre lost forever, puis comme... Ouais, c'est ça. Genre, puis après ça, j'ai comme l'impression que je suis comme, OK, on s'est déjà vu là, on s'est déjà vu ici, on s'est déjà vu là. Puis là, je suis comme, ben, à cette heure que je te connais déjà un peu, j'ai l'impression que ça serait le fun de te dater, puis en tout cas, j'en ai envie. Puis là, je suis comme, ouais, mais là, ça va être bizarre, genre, on est déjà un peu amis. OK, mais ça, my take on this, c'est qu'on est tellement habitué maintenant à avoir des plateformes spécifiques pour reach out vers les gens pour les dater, que là, maintenant, c'est devenu quasiment trop intimidant de faire allusion à ça, out of nowhere, à quelqu'un que tu connais, faire comme, hey, mais actually, est-ce qu'on pourrait prendre du temps ensemble? Faut un peu que tu laisses un flou sur genre, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on fait juste passer? Mais en même temps, tu peux pas être trop clair sur tes intentions, parce que ça peut être c'est intimidant, puis la peur du rejet, pis ci, pis ça. Anyways, les mots du téléphone qui nous pourrissent la vie avant le monde, ça jasait dans le métro. Fait que. Hey, fuck off. Mais. moi, je trouve qu'on dirait que les gens qui ont des a priori sympathiques envers les queer, mais qui sont pas nécessairement immergés dans le langage queer militant depuis des années, ça peut être rafraîchissant à dater. Oui, vraiment. Toutefois... Parce que moi... Ben, à un moment donné, il y a une affaire où je pense pas qu'il faut que tu aies été à l'université ou que tu aies un langage très précis pour parler de trucs politiques pour être une personne correcte. T'sais, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des bonnes valeurs puis qui sont pas fucked up a priori, qui vont juste pas comme flex du gros langage. Puis moi, des fois, ça me fait juste du bien, ça. T'sais. Moi, honnêtement, en tout cas, sachez-le, là, moi, trigger warning, là, c'est la chose qui me révulse le plus, c'est quelqu'un qui se met à parler en universitaire, dans une date. Même dans la vie en général. J'en ai tellement eu des conversations d'universitaire, c'est pas ça que je veux dans une date. Ben non, mais je suis comme, girl, j'ai travaillé au Café Hakin avec tous les autres sociologues. Là. Tu penses que j'en ai besoin, là, de genre que tu flexes tes concepts? La revanche des nerds, je l'ai déjà vécu. Là. Toutefois, l'avantage, souvent, c'est pas toujours vrai parce qu'il y aura toujours de l'apprentissage à faire, c'est que je trouve qu'en datant des personnes queer ou qui ont une sensibilité queer, la communication est souvent plus facile. En contexte de dating, parce que là, je viens de dire que si t'es déjà mon ami, c'est de la merde un peu, mais comme... Ouais. En contexte de dating, je trouve que... Encore là, c'est ça. Il y a du travail à faire parce que nous-mêmes, à l'intérieur de notre conscience, des fois, ouais. Ça, on veut pas, puis on est encore un peu colonisé par qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Ouais. Mais je trouve ça un peu plus facile en queer. Moi, je relate moins à ça parce que je date beaucoup des cis gay men, puis genre, on a tous des enjeux de masculinité qui font qu'on a de la misère à communiquer. Ah ouais, bon... Comme quoi, on se décolonisera jamais au complet, calice. Ah, sacrement. It'd be tough. Ben, ça, tu vois, c'est l'autre affaire. T'sais, moi, depuis que je suis non-binaire, j'ai toujours généralement couché avec des cis gays ou à tout le moins des personnes que je savais qui se présentaient comme cis gays à ce moment-là. Là, ça change beaucoup ces temps-ci. Mais puis là, je suis un peu comme... Je suis pas confus parce que je sais que je suis attiré par plein de types de personnes différentes puis ça, c'est merveilleux. Mais... Comme personne non-binaire, des fois, ça, je me pose comme question, je suis comme, ben là, est-ce que le fait que je crouse encore en homme homosexuel, techniquement, ça fait de moi une moins bonne non-binaire personne? Est-ce que... Ben, absolument oui, là. Ça te disqualifie, en fait. Je pense qu'il faudrait t'invalider maintenant. On te révoque ta carte. Merci. C'est fini. Merci. Back to cisness. Non, mais je pense qu'en même temps... Un excellent move de ta part d'enlever sa carte de non-binaire as a cisness. Oui! Oui! Mais, non, mais je pense que... C'est-à-dire que... Comment je peux framer ça? Je pense que c'est normal aussi d'avoir tout le temps un syndrome de l'imposteur parce qu'on est des millennials puis que c'est ça qui nous détermine. Mais aussi, il y a un truc qui n'est pas juste identitaire, mais qui est aussi culturel puis que tu absorbes de l'extérieur aussi. Puis je pense que, tu sais... Puis tu le dis toi-même, même en étant non-binaire, tu es encore très proche, slash attaché, slash... Oui. Beaucoup de réflexes. Avec la, beaucoup de réflexes. Mais pas juste cis, mais mainly la culture cis-gays. Oui. Sans nécessairement, mais tu sais, t'as plein de gens qui sont pas des cis-gays qui ont vraiment, qui comprennent cette culture-là, qui l'embody, qui jouent avec, qui l'aiment, tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est parce que c'est ça, le maintenant on parle plus de culture queer, mais la culture cis-gay m'a quand même appris beaucoup sur l'ouverture sexuelle en général, l'ouverture sur le dating. Et parce que, tu sais, je veux dire, nous, on parle des complexités qu'on a à dater, mais on est quand même chanceux et chanceuses de ne pas être dans des relations hétérosexuelles ou là. Chaque matin, je me réveille là, heureux de ne pas être hétérosexuel. Là. My God! Parce que, tu sais, en plus, pour une femme cis qui date des gars cis, il y a toujours la question... Non. Parce que, non, je me réveille heureux de ne pas être hétérosexuel, mais je me réveille heureux de ne pas être une femme hétérosexuelle. C'est ça, voilà. Devoir aller sur des dates pour me faire couper la parole par des dudes qui vont m'expliquer des affaires comme si j'étais une esti de conne et que je comprenais rien. Voilà. Hey, fuck that shit, là! Puis là, considérant, je veux dire, la culture du viol qui fait rage depuis les débuts de l'humanité, il y a un sentiment de sécurité aussi qui est très difficile à aller chercher en contexte hétérosexuel si t'es une femme. Je dis pas qu'il y a pas de danger dans le milieu queer, qu'il y a pas des agresseurs dans le milieu queer, etc., mais la dynamique est vraiment pas la même. Ben, c'est vrai que moi, là, je vais tellement rencontrer d'inconnus sur Internet sans jamais, comme même in the back of my mind, avoir tant... être tant préoccupé par des aspects de sécurité, en fait. Moi non plus, honnêtement, pour les fois que je date, c'était vrai, ça n'a jamais été pour moi un enjeu, mais encore là, c'est ça. C'est un petit peu un privilège de gobelins ou de personnes qui se présentent quand même de façon très masculine et blanche. Oui, absolument. Là. Est-ce qu'il y a des désavantages majeurs à dater dans le milieu queer? Une difficulté particulière qui nous viendra en tête? Oh my God, mais là, c'est sûr que genre... les petits moments The L Word, là, l'épisode où ils font les liens de qui a couché avec qui, puis le diagramme. C'est sûr que le drama intracommunautaire, là, je pense que je pense que c'est vraiment différent, les dynamiques, genre cis gays, on a juste tous couché ensemble, puis on est tous amis, puis genre tout le monde s'en calisse un peu, versus femme queer, où là c'est comme qui a un historique avec qui, puis que là c'est vraiment plus sujet à comme... attention, parce que les choses comme s'étalent sur plus long dans le temps, puis il y a plus d'investissement émotionnel cis gays qui sont juste comme « I don't want to play with this toy anymore. You can have it. » Basically. Parce que tu sais, moi, un moment donné, là, imagine si toi puis moi, on avait une règle non écrite « Faut pas que je couche avec la personne avec qui t'as couché, je pourrais plus coucher avec personne. » Mais... non, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que là, on sonne... Parce que je trouve que c'est niaiseux, parce que quand tu le présentes de manière simple comme ça, ça sonne comme « Oh, les filles, il y a tout le temps du drame. Nous autres, les gars, on n'est pas comme ça. Il y a fucking du drama, oh, faggot. » Oh, mon Dieu. Genre, il y en a... Puis des fois, pour des affaires tellement plus petty de genre, oh my god, genre, là, ils ont couché ensemble, mais là, ils savaient que moi, je voulais. Fait que là, mais tu sais, c'est comme t'as dit, genre, this is my old toy, je veux plus jouer avec, c'est fini, mais dès que quelqu'un y touche, t'es comme, ah, oh, mais finalement, c'est mon jouet, je le veux encore. Ah! Ça, ça disparaîtra pas. J'en veux plus, mais c'est le mien pareil, y a personne qui a le droit de jouer avec. Kind of, là. Genre, tu viens de résumer mon enfance en plus. Mais. Yes. Moi, je suis déjà dû pour un autre café, si j'en peux plus. J'essaie aussi, je t'avais de m'endormir sur la table. Ah ouais, on décalise, on va s'en chercher un autre. J'en peux plus. T'es pas la première qui s'endort à m'écouter en parler. C'est... Oh! Ben non, c'est pas vrai, les gens sont accrochés à mes lèvres. Et boivent mes paroles. Buvez mes paroles, moi je vais aller boire un café. Ah ouais. Piu piu! Bon, donc on a repris vie. Enfin, on est overcaféiné, on a bu notre café, back on track pour closer cette belle conversation sur notre sport préféré à moi puis Jess, le dating. Voilà. Et qu'on se rendra pas aux Olympiques. Fait que là, on se permet-tu un petit moment, Miss Personality? Pour se demander, ce serait quoi notre date parfaite? J'ai ça que t'as dit Miss Personality. Oui! C'est Miss Congeniality en anglais. Oui, je sais. Ça juste trop bien. Mais c'est plus drôle de dire Miss Personality. Effectivement. Parce que dans le fond, il y a un moment iconique dans Miss Congeniality où il demande à Miss Rhode Island, ce serait quoi? Oui. What would be the perfect date for her? Puis là, elle répond le 25 avril parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid. C'est merveilleux. Fait que, Jess, what would be the perfect date for you? Oh my God, celle qui n'arrivera jamais, probablement, mais moi, ma date parfaite, premièrement, elle est sans alcool, tabarnak. Yes! On va se le dire. Moi, j'aime bien quelqu'un qui assume que c'est une date et non pas, on fait semblant qu'on s'est rencontrés de façon tout à fait fortuite dans un restaurant puis qu'on essaie de faire du small talk puis de faire semblant, whatever. Genre, j'ai pas envie de « Ah, ben moi, je travaille dans un bureau, j'aime beaucoup ça, c'est très empowering, j'ai une belle carrière, je fais un bon salaire. » I don't care. I really don't care. Je suis pas là pour faire du small talk. Et justement, au pire, si c'est trop direct, genre parler d'attente, parler d'où est-ce qu'on est rendu, parce que, en tout cas, dans mon cas, ça serait vraiment pas long parce que j'ai pas d'attente dans la vie, je veux pas être en couple, mais... Genre, justement, c'est pratique d'aller direct vers le point, mais tu sais, au moins de quelqu'un qui est capable de maintenir un certain niveau naturel. Parce qu'il y en a qui, quand sont en date, là, ils ont un ton de voix de date, ils ont une attitude de sont en date. Ça paraît, genre, ça se sent, là. Moi, j'ai quand même relativement d'indulgence pour les gens qui sont stressés dans une date. Puis des fois, tu sais, j'excuse les gens qui parlent un peu trop ou de manière un peu trop nerveuse. Parce que c'est vrai que c'est stressant une date, puis c'est correct. T'sais. Moi, des fois, je me dis, je laisse la chance au coureur. Ah, ben là, c'est sûr, il faut rester compréhensif ou compréhensif. Ça, c'est clair, là. Faut quand même pas dire après 4-5 phrases. Faire, ouais, en tout cas, pas un gros niveau d'énergie. Moi, je décalisse. Non, mais en même temps, il y a des affaires sur lesquelles t'as moins de patience que moi. Oui. Toutefois, surtout dans ce contexte. Des fois, j'ai jamais de patience. Ouais. Mais c'est ça. Dans un contexte, quand même, là, guys, on dit des niaiseries, mais il faut quand même rester respectueux et respectueuse dans nos relations. Là. Moi, je trouve que, justement, parce que c'est dur pour moi parce que j'ai tellement les dates que vous le voyez, là, je rush en crise, j'essaie de décrire la perfect date, puis genre, ça me vient pas. Ça me vient pas. J'haïs ça, les dates. J'haïs ça. Je trouve ça fake. Mais moi, puisque tu me le demandes, oh, je t'ai resservi ton trick! Oh! OK, plus que tu me le demandes, moi, la date parfaite, je pense que ce serait exactement l'opposé de toi. Je pense que je voudrais une date dans un rave, en fait. Je trouverais ça vraiment cute, juste parce que dans un rave, t'as on parle pas. Ben, on parle pas. Il y a de la grosse musique, puis tu fais juste vibrer, probablement être high sur des substances, puis chiller, puis genre, tu sais, je trouve que si tu veux prendre un moment pour aller parler, tu peux aller le prendre. Si tu veux juste être là, un à côté de l'autre, à comme filer la musique, à genre, tu sais, peut-être aller voir tes amis, peut-être genre de niaiserie, peut-être être messy, peut-être aller faire du touche pipi dans les toilettes, peut-être aller faire un petit peu de drogue dans les toilettes ensemble, peut-être un petit peu. Tu sais, je trouve qu'il y a plein de contextes cute, mais pas de pression. Je trouve que c'est parfait, mais en même temps, le truc, c'est que c'est. Je comprends qu'en termes de première date, c'est difficile à faire parce que c'est un gros investissement de temps. Tu t'investis comme ta nuit là-dedans. Puis aussi, ben, je veux dire, là, je parle d'un autre monde hypothétique où ça, c'est possible. Mais ouais, moi, je trouverais ça drôle. Puis tu sais, je veux dire, tu rentres vers 7-8 heures le matin, puis genre, soit tu rentres ensemble, soit tu rentres pas ensemble. Puis au pire, si c'est pas quelqu'un avec qui tu as senti que tu connectais, c'est juste un party buddy pour une soirée. Moi, je trouve que ça pourrait être cute. Oui, oui, oui. Ben, ça me rappelle ta bio grinder qui est Raver Fuckboy cherche Raver Fuckboy. It could be, though. Ça serait vraiment cute. Mais ça m'a fait penser à quelque chose. Puis tu sais, comme, no shame là, pour les gens qui consomment. Je veux dire, c'est la vie. Je ne suis pas un prohibitionniste. Mais souvent, moi, je pose la question aux gens pour leur démontrer les difficultés de la sobriété. C'est quand la dernière fois que tu as rencontré quelqu'un pour la première fois sans prendre aucune substance? Oh my pas God. Un joint, pas une bière. Oh my God, girl. Hein? Girl. Hein? Pas évident. Puis je le comprends, là, moi-même, je vais souvent avoir tendance à fumer un joint avant d'être moi-même, comme si j'étais l'exemple de la sobriété, ce qui est fucking pas le cas, on s'entend. Mais genre, je veux dire, moi aussi, là, genre, ben, en même temps, moi, le weed, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Moi, le weed, c'est pas ma meilleure drogue de date. Non. Étonnamment, ma meilleure drogue de date, c'est la kétamine, même si ça te rend quand même fucking random. Girl, love that. Ou la fille confuse et perdue là, dans sa date. Ou. Et ça, les gens sous-estiment ça, un poppers conversationnel. Oh my God, shut the fuck. On est pas obligé de fourrer. Fais juste laisser la bouteille de poppers ouverte pendant qu'on jase. Ça va nous... hein, ça va lighten up un peu. Tu sais, ben, en tout cas, un petit peu de G là, en date pour devenir comme un petit peu décousu puis horny. Là. Ouais, mais ça, le G, j'ai arrêté parce que c'est tellement proche de l'alcool là, que ça devenait tricky. Là, je mettais du GHB dans mes bières sans alcool. Ça avait pas de bon sens. I mean... Okay, girl. Okay, get it. toi, ta petite ta consommation go-to pour une date serait quoi? Pour le fun? Ben, moi, c'est sûr que l'alcool, c'est comme passe-partout, tu sais, parce que ça fait peur à personne. C'est un bon désinhibeur. Parce que je veux dire, moi, si je pouvais faire une bombe de coke sur la graine du gars first date, je le ferais. Mais c'est juste pas. C'est difficile à amener de manière comme genre classy, tu sais. Tandis que juste boire des drinks, c'est correct, tu sais. you know who I am, t'es pas surprise. Non, je suis pas surprise. C'est juste une autre des multiples briques qui me tombe sur la tête de notre ami. Mais c'est ça, je trouve que l'alcool c'est un go-to. Moi, je trouve que comme fumer un petit joint quand t'es rendu au moment où tu veux comme get plus touchy, cuddly, c'est le fun. Hey, je m'excuse, je t'écoute pas, je suis encore en train d'essayer de t'imaginer sniffer une ligne de coke sur une graine. Ah mon Dieu, mais là j'ai des vidéos, là, pas besoin d'imaginer. Là. Ah! Bon, parfait! Excellent! Bon, ben, vous irez voir sur Instagram, on va publier ça cette semaine. Tabarnak de calice. Est-ce que c'est mieux d'arriver sur une first date avec des attentes précises, pas d'attente pantoute ou ni l'un ni l'autre? Toi, t'es team pas d'attente pantoute. Moi, je suis team pas d'attente pantoute, mais en même temps, mon pas d'attente pantoute, c'est des attentes précises. Je ne cherche rien. All right, bitch. C'est assez précis, ça. Ah, mais là, bon, attention. Je rencontre quelqu'un, ça va bien. Mettons que ça arrive. Là, je ne suis pas fermé à l'idée. Je ne suis pas never si, mais pas intéressé so far. Fait que c'est sûr que de mon côté très personnel, c'est très facile. Maintenant, je pense que c'est important d'arriver dans une date avec un esprit d'ouverture. C'est ça. C'est ça que tu avais dit ça après avoir fait comme je cherche rien. moi, j'avoue que je suis team attente flexible juste parce que avoir. Trop d'attentes, c'est s'exposer à trop de potentielles déceptions. Puis genre, oui. I'm not like that. Puis avoir pas d'attentes, je trouve que après ça devient trop difficile d'évaluer si genre t'as envie de continuer ou pas, ou si ça marche ou pas, parce que ben au final c'est rare. Ouais. C'est rare que j'ai des dates désastreuses, c'est rare que j'ai des dates merveilleuses. Puis c'est tout le temps une affaire de comme faut juste passer plus de temps puis investir plus de temps. Fait que moi généralement pour draw the line. Cherche à connecter sur au moins quelques affaires. Genre, tu sais, mettons, on a deux trucs en commun qu'on vibe bien, que ça va. Ouais. Qui n'inclut pas ni Drag Race ni l'astrologie. Parce que ça, c'est juste trop des conversation builders. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment des intérêts ou une personnalité? Ah, ça peut aider. Ça aide, là, mais tu sais, ça. Pas Drag Race. Drag Race, ça m'a mis. Non, l'astrologie. Frère, là, mais l'astrologie, oui, oui. L'astrologie, oui. Ouais. Ouais, ouais, parce que surtout, tu vois qu'est-ce que la personne pick up dans sa chart et de quoi elle veut bien te parler. Ah oui. Moi, sinon... Ouais. Mais moi, j'ai arrêté aussi de prendre la chart des gens trop tôt. Parce que, pour vrai, je me piégeais moi-même à faire comme « that's it », genre « love of my life », « perfect chart », ou d'être comme « non, on peut pas », genre « Vénus en balance », moi, je peux pas dealer avec ça. Tu sais, genre, fait que j'ai arrêté de faire ça. Sinon, un standard vraiment important pour moi, puis non négligeable, qui sonne vraiment niaiseux, mais je vous jure que c'est tellement important, faut que la personne capte le second degré. Il y a des gens, là. Oui. Il y a des gens qui maîtrisent pas. Ah, je sais. Puis ça fait pas... J'ai des amis qui sont comme ça. Je veux dire, il y a des personnes absolument adorables qui ont moins de facilité à get le second degré, mais moi, c'est un absolute no match. Je sais que c'est la personne qui a pas le second degré, je suis comme, il n'y a rien à faire. Parce que je suis un sac à sarcasme, genre. C'est ça. Puis moi aussi, je suis quand même assez très ironique, très sarcastique. Puis genre, en tout cas, I guess que quelqu'un qui n'a pas nécessairement un sens de l'humour, c'est vraiment pas fait pour moi. Moi, la chose que j'haïs le plus, c'est les gens qui pensent qu'ils ont un sens de l'humour et qui font juste des jokes. Oh, babe, là, pray for them. Ça fait des dates longues. Yeah, mais tu sais, comme, tu sais, pour revenir un peu à la question de c'est-tu mieux arriver sur une first date avec des attentes précises, pas d'attentes partout, blablabla. Il me semble que moi, je suis vraiment attente flexible parce qu'une date, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est un petit peu un examen l'un de l'autre. Fait que tes attentes envers cette personne-là, ben, I'm sorry, mais... Hey, dis de même. Ben, c'est normal, j'ai dit ça. Dis de même, sacrément, you're not selling it, girl. Mais là, c'est quand même ça, là, c'est apprendre à se connaître, c'est commencer tranquillement, pas vite. Puis tu sais, c'est correct, là, je veux dire, moi, j'aime pas ça parce que I am, mais comme, je comprends vraiment le désir que les gens ont de faire ça. Puis tu sais... Mais moi, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que le truc, l'affaire, c'est qu'en plus, je suis pas mauvais à dater. Je suis bon pour du small talk, soutenir des conversations, pour quand... Tu devrais partir un podcast. Je m'intéresse genuinely aux gens. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve que... Mais listen, girl, I'll do it. Je arc des dates podcast. Mais tu sais, il y a des podcasts de dating intéressants. Là. Hey, wow, c'est un concept, ça. On n'aurait pas dû dire en public. Non, mais Nicole Byer, elle a un podcast qui s'appelle Why Won't You Date Me, où elle fait juste parler de dating avec, genre, d'autres gens qui viennent sur son podcast. C'est actually drôle puis vraiment bon. Oui, non, je sais, j'écoute ça, c'est bon. C'est bon, Oui, c'est vraiment bon. Mais moi, mon dernier critère, c'est que il faut que la personne soit un temps soit peu une slot. Pas besoin d'être dans la quantité, juste dans la qualité puis dans... dans sa morale, qu'elle ait une morale de bonne slot, tu sais, que ce soit correct, parce que sinon ça devient trop weird, là. Comme, vous savez qui je suis, là. Tu sais, moi, je suis comme, si t'es pas sex positive, t'as pas besoin d'être genre full pratiquante puis de genre fourrer trois fois par jour, I don't care, là. Mais tu sais, il faut juste que tu sois comme positive à propos de ces affaires-là, tu sais. Ce qui me fait penser que, au lieu d'attendre, justement, ce serait peut-être intéressant, tu sais, que tu arrives sur une date en te disant c'est quoi les. On va en parler, là, mais tu sais, genre, c'est quoi mes red flags? Ouh! C'est quoi mes okay. OK, ça, j'aime ça. Tu sais, ça, dans une date, c'est vraiment plus intéressant. Tu sais où est-ce que. Tu sais que si la personne disait une affaire dans un certain sens ou dans un autre, tu vas faire comme OK, non, ça, j'en veux pas. Moi, tu sais quoi mon biggest red flag? Puis ça arrive quand même plus souvent qu'on le pense. Ah ouais, c'est quoi ton biggest red flag? C'est les gens qui parlent de leur ex. Ah, ben une oui! Une première date, tu parles pas de ton ex. Parce que le truc, c'est que ça va révéler beaucoup plus de choses sur toi que sur ton ex. Oui. Parce que moi, je ne connais pas ton ex. Oui. Fait que ça va vraiment plus... Puis tu me mets dans une position où je dois nécessairement prendre ton bord parce que je suis sur une date avec toi puis valider ce que tu dis parce que, tu sais, j'apprends à te connaître puis le but, c'est peut-être de me mettre en relation avec toi ou d'apprendre à te connaître plus. Mais tu sais, peut-être que deep down inside, je suis comme, non, là, tu... Clairement, ça sonne comme si c'était dans le tort, puis genre, je suis pas d'accord. Oui. Là. Fait que là, ça me met dans une weird position où je dois être d'accord. Puis des fois, tu l'es pas. Puis des fois aussi, comme, t'es juste dans des trucs de comme, ben, c'est difficile de résumer des situations vraiment complexes qui ont mené à la fin d'une relation rapidement dans une date à quelqu'un qui te connaît pas. Je suis juste comme, don't go there. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai déjà. J'étais sur une date justement, puis la personne casually parlait de son ex. Puis comment ça l'avait pas marché, là. Puis à un moment donné, moi, bête comme mes deux hosties de pieds, j'y pose la question. Oh. J'ai dit, est-ce que votre relation à vous aussi a commencé en parlant de vos ex? C'est peut-être ça le problème? Jess, t'es pas sortable. Si tu continues à pas dater, t'es pas du monde. Non, mais j'étais comme, si je veux rien. Pourquoi tu me parles de ton ex? Si c'est genre. Oh my god, bitch, voir que t'as dit ça. Tu sais, c'est comme t'as dit, là, juste dans la façon dont la personne parlait de son ex, j'étais comme, OK, you were the problem, bitch. Ben oui, je suis comme ça s'entend à 1000 pieds à l'heure, genre t'es péri, ça va pas bien, là, c'est toi qui a... Sorry, not sorry. Peut-être, t'as peut-être juste besoin de process encore un petit peu à propos de ça. Là. Ben là, quand même, genre, pis c'est correct, tu peux aussi dire, moi, je cherche juste un cuddle sex body de relation tampon, tu sais, ça se dit, genre, mais des fois, c'est ça, c'est que les gens ont une obsession, on en a déjà parlé, là, il y a quand même une obsession dans notre société à toujours être en couple ou sur le bord de l'être, ou en tout le moins de rechercher à l'être, fait que souvent, ben c'est ça, les gens, malheureusement, passent d'une relation à l'autre sans faire le temps de... Ça prend le temps de faire la petite introspection qui, des fois, devrait se faire. Toi, là, Jess. Moi. Est-ce que tu couches avec quelqu'un de la première date? Si l'occasion se présente et que ça me tente, oui. Y a-tu, en 2020, si tu es encore possible? Non, mais le truc, c'est que je trouve que on a... En tout cas, moi en réponse à cette question-là, dans mes notes, j'ai juste écrit « girl ». Parce que je veux dire, là, je veux plus. Je suis tanné de, comme tout le temps, introduire le fait que je suis une slut avant de dire des affaires pas dans l'œuvre. Vous le savez, Esti, là, on est rendu à une saison et demie. Si vous avez pas pick up, si c'est votre premier épisode, I'm a slut. Genre, let's... Voilà, merci aux gens qui viennent se joindre à nous. Moving on. Voilà. Moving on. J'essaie de moins en moins. J'essaie un petit peu parce qu'à un moment donné, ça devient tellement un réflexe de juste comme, bon, ben, de toute manière, je suis là, t'es là, on se trouve chaud. Genre, why not? Parce qu'on est justement comme tout le temps dans des trucs de comme, ben, pourquoi on se le refuserait? Sex positive, everything's fine. Mais en même temps, je trouve que... On a un peu peur que ça déclenche chez l'autre la réaction de « Ah, finalement, c'est un booty call. » Ben, pas juste ça. Il y a juste un truc de comme, une première date, c'est tellement pas déterminant de rien qu'au pire, c'est juste plus d'éléments en poche pour déterminer si ça marche avec quelqu'un ou pas. Ouais. Mais là, est-ce qu'il faut que ce soit mind-blowing? Est-ce que tu mets de la pression là-dessus? Est-ce que c'est, tu sais, pourquoi tu couches avec la personne dès le premier soir? Parce que tu t'en crisses ou parce que tu cares? Parce que, tu sais, je trouve que ça devient difficile à lire, mais en même temps, c'est vrai que moi, personnellement, comme la sexualité est un aspect important, j'ai envie de tester la chimie, voir si ça fonctionne, mais est-ce que c'est trop tôt? Je suis vraiment pas seté là-dessus, puis je trouve ça compliqué, ces affaires-là. Yeah. Mais moi, tu vois, si jamais j'ai à dater, ma préférence, ce serait coucher le premier soir. Ah ouais. Honestly, je... Parce que justement, parce que je trouve, là, c'est, ça doit pas vrai dans tous les cas, mais pour moi, ça rend, après ça, les s'il y en a, les dates suivantes, plus faciles. Genre, c'est fait, on s'est vu tout nu, on a couché ensemble, on a vécu un moment d'intimité, tu t'es peut-être réveillé dans mon lit le lendemain matin ou vice-versa. On a fait un step, puis en plus, en tout cas, qu'on me corrige si je me trompe, mais la sexualité entre deux personnes qui veulent se dater, c'est quand même un aspect important. Puis c'est le fun de savoir. Il y en a pour qui non, mais. Non, mais c'est ça. Mais pour beaucoup de gens, c'est. Puis, en tout cas, pour moi, c'est les. Genre, non, I'm not so horny, mais si je peux matcher avec quelqu'un, genre, j'aimerais ça que le sexe fonctionne bien, puis que ça soit le fun. Évidemment, c'est rare que c'est parfait la première fois. Ça l'arrive, des fois, on a vraiment du bon sexe first time, mais pas tout le temps. Souvent, c'est clumsy. Mais je trouve qu'il y a juste un truc de comme te réveiller avec la personne la première fois, ça non, mais en même temps tester, oui, mais en même temps, tu sais, comme comment tu modules ces affaires-là, puis je me pose des questions. C'est pas évident. C'est pas évident. Je sais pas. Parce que en plus, à cause des mentalités sex négatives, souvent, toi, pour toi, ça change rien, mettons, ou pour moi, ça change rien, coucher le premier soir, mais souvent, les gens vont dire « Ah, ben c'est ça, comme je disais tantôt, genre, parce qu'il y a une culture comme quoi le sexe, c'est quelque chose de moralement moins bon que le dating et l'amour, les gens vont se dire « Ben, ah, on a couché ensemble le premier soir, finalement, il ou elle voulait juste du sexe, nanana. » Puis pas parce que ces personnes-là sont trop puritaines ou whatever, c'est qu'on se le fait tellement dire que l'amour est donc supérieur à toute chose sur Terre. Mais, je trouve que ça, c'est quand même décomplexé avec genre les hommes cis gays. Mais je pense que c'est intéressant aussi de créer, comme tu disais, un premier contact intime, parce que des fois, c'est difficile, l'intimité. En gars, on a moi, moins tendance à encore, être capable de se révéler. Tu sais. Je trouve qu'on a encore beaucoup de profils. Depuis là, je me fie à Grindr, je veux dire, je sais que c'est pas le monde entier, mais... Il y a beaucoup de gens sur Grindr que c'est encore... moi, les aventures d'un soir, j'en veux pas. C'est LTR orienté. Puis là, je suis comme, pourquoi les deux seraient mutuellement exclusifs? On l'a dit combien de fois sur ce podcast que les deux sont pas mutuellement exclusifs? Moi, ces gens-là, ils viennent jamais vers moi parce qu'ils me voient, là, puis ils savent quel genre de personne je suis. Puis ils ont bien raison, d'ailleurs. Ben, tant mieux. Tant mieux. Ça sépare le bon grain de livret rapidement. Le bon grain de livret! Une de mes expressions préférées. Je ne sais plus combien de fois je l'ai utilisé. Ben, on va aller séparer les bons grains de café de livret du mauvais café. Yes! Yes! Pour aller sober caféiné une dernière fois avant la conclusion. C'était tout pour l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2, le chiffre 2, FIF, avec un X à la place du I, parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs. 2 FIF le matin, en un mot. Si vous voulez nous dater sur nos handles personnels, s'il vous plaît, on est 2 sur ce compte-là. C'est bizarre. Quand oui, les gens, on est 2 sur ce compte-là. C'est très weird quand les gens s'adressent à un des deux de façon très personnelle. Puis après l'épisode nude, si quand tout le monde slidait dans un DM, puis que là tu pouvais juste voir la photo une fois, c'est tout Jess qui l'a vu. Fait que s'il vous plaît, redirigez vers mon compte. Oui. Moi aussi, je voulais les voir. Oui, au moins vous les enverrez pas en vain. Vous avez peut-être des chances qu'il se passe de quoi, contrairement avec moi. Pour vrai, si vous êtes aussi cynique que nous autres, try your chance. On est bien ouverts à dater. Oui. Moi, c'est ça. Oui. Puis si jamais après tout ce que j'ai. Si après tout ce que j'ai dit, t'as encore envie d'avoir une date avec moi, ben Chris, t'as des astis de bonne chance que ça marche. Ouh! Are you the one? Are you the one? Mais je suis pas de même tout le temps. Là. C'est un personnage de podcast. Mais pas si loin de la réalité non plus. Je sais ce que je viens de dire, c'est de l'hostie de bullshit. C'est pas juste un écran de fumée, là, ça va la gang. Mais non, j'en ai de l'amour en moi, j'en ai. Ah oui. J'en ai. Il va falloir me disséquer pour le trouver, mais j'en ai. Oui, c'est ça. Alors, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout, de nous partager, de continuer de nous écrire. Si qu'on aime ça quand vous nous écrivez, c'est le mettez fun. Mettez des beaux commentaires sur Facebook pour dire comment que le podcast est bon, pour vous aimez ça. Mettez des étoiles, des pouces. Des étoiles, tout ce que vous pouvez faire, là, de Faites-les. Faites-les. Allez vous mettre en homme ou femme sandwich ou en personne non-binaire sandwich dehors avec une pancarte 2 FIF le matin, le meilleur podcast de Montréal, s'il vous plaît. Il y a une manifestation en faveur de 2 FIF le matin qui s'en vient. Restez. Ta gueule, je suis tanné, là. On peut-tu nous tuer? Hey, à la semaine prochaine, les Moons, à la fin, là. Yeah, j'ai faim, là. Bon. On m'en va manger. Bye! Bon appétit, les Moons. Wouh!